Pour ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant des Jeux du Québec, ça se termine en fin de semaine, les Jeux du Québec, et la région a récolté 4 autres médailles hier pour porter son total à 25. Et c'est à noter que c'est en judo, encore une fois, que la région s'est distinguée. Notez que Renaud Lapointe, chez les moins de 73 kilos, a signé la médaille d'or. Xavier Perron, chez les moins de 60 kilos, et Félix Côté ont remporté des médailles de bronze. En haltérophilie, Alan Doucette, chez les moins de 76 kilos, a remporté la médaille d'argent à l'arraché. D'ailleurs, c'est un record personnel pour Alan Doucette. Ligue junior régionale, la série commençait entre les Sabres de Roberval et les Aiglons d'Alma. Ça a commencé mercredi. Les Sabres ont perdu 5-2 contre les Aiglons. Le prochain match aura lieu ce soir. Dans la Ligue simple lettre maintenant, les Aiglons d'Alma ont gagné 3-2 sur les Loups de Dolboum-Sissigny dans le Bantam A. Dans le Bantam B, les Éperviers Normandais ont perdu 8-4 sur les Centurions de Saint-Félicien et défaite des Sabres de Roberval 7-1 sur les Olympiques de Chicoutimi. Et les Bulldogs de Saint-Félicien ont vaincu les Monarques de Saint-Ambroise 3-0, tant que les Patriotes de Chicoutimi ils ont eu le meilleur sur les Sabres de Roberval. Au niveau junior maintenant, junior A, le Pro-Lam de Saint-Félicien a défait les Prédateurs de Chicoutimi 3-2. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Jean Gosselin où on parle de la valeur monétaire d'Eugénie Bouchard. Et on a également écouté l'entrevue ou le reportage de Camille Girard en provenance des Jeux du Québec. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.